Le hussard sur le toit de Jean Giono. Septième épisode. Réfugié sur les toits de Manosque, que le choléra dévaste, Angelo observe l'évolution rapide de l'épidémie. Il rencontre dans une maison déserte une jeune femme. N'ayez pas peur, je suis un gentilhomme. Je crois que c'est exactement ce qu'il fallait dire. Le plus curieux est qu'en effet cela semble vrai. Les brigands n'ont pas de chats. Mais qui a des chats ? Celui-ci n'est pas à moi, mais il me suit parce qu'il a reconnu un homme paisible. Et que fait un homme paisible à cette heure et là où vous êtes ? Je suis arrivé dans cette ville il y a 3 ou 4 jours. J'ai failli être écharpé comme empoisonneur de fontaine. Des gens qui avaient de la suite dans les idées m'ont poursuivi dans les rues. Je me suis caché dans une maison. Mais il y avait des cadavres, ou plus exactement, un cadavre. Alors j'ai gagné les toits. C'est sur les toits que j'ai vécu depuis. Alors vous devez avoir faim. C'est pourquoi j'étais descendu chercher. Je croyais que la maison était déserte. Entrez. Je suis navré. De quoi ? Vous avez toutes les raisons de vous méfier de moi. Où voyez-vous que je me méfie ? Je vous fais du thé. Je suppose que vous n'avez pas eu d'aliments chauds depuis longtemps. Je ne sais plus depuis quand. Je n'ai malheureusement pas de café. Je ne saurais d'ailleurs trouver de cafetière. Hors de chez soi, on ne sait où mettre la main. Je suis arrivée ici il y a 8 jours. Mes tantes parties il y a 5 jours ont fait le vide derrière elles. Le contraire m'aurait surprise. Ceci est du thé que j'avais heureusement pris la précaution d'emporter. Je m'excuse. Les temps ne sont plus aux excuses. Et que faites-vous de... Si vous voulez vraiment me rassurer, comportez-vous de façon rassurante. Asseyez-vous. Du fromage. Qui sent le bouc. C'est d'ailleurs pourquoi elles l'ont laissé. Un fond de pot de miel et du pain. Ça vous va ? Je ne me souviens plus du goût du pain. Celui-ci est dur. Il faut de bonnes dents. Quel âge avez-vous ? 25 ans. Tant que ça. Je vous remercie de ce que vous voulez bien me donner. Je vous remercie, car je meurs de faim. Mais je vais l'emporter. Je ne saurais me mettre à manger devant vous. Pourquoi je suis tellement écœurante ? J'ai fait le thé très fort. Et il est bouillant. Rien ne peut vous faire plus de bien. Si je vous gêne, je peux sortir. C'est ma saleté qui me gêne. Je n'ose pas vous donner de quoi vous laver. Toutes les eaux de cette ville sont malsaines. Et actuellement, il est beaucoup plus sage d'être sale mais sain. Mangez tranquillement. Ce thé est une bénédiction. Je vous en ai privé ? Personne ne me prive, soyez rassurés. J'emporterai du fromage et un morceau de pain. Et je vous demanderai la permission de me retirer. Où ? J'étais dans votre grenier. Il va sans dire que je vais en sortir tout de suite. Pourquoi il va sans dire ? Je ne sais pas. Il me semble. Si vous ne savez pas, vous feriez aussi bien d'y rester cette nuit. Vous aviserez demain, au jour. Puis-je vous faire une proposition ? Je vous en prie. J'ai 2 pistolets, dont un vide. Voulez-vous accepter celui qui est chargé ? Ces temps exceptionnels ont libéré beaucoup de passions exceptionnelles. Je suis assez bien pourvue. Voyez-vous-même. 2 pistolets d'arçon. Vous l'êtes mieux que moi. Mais ce sont des armes lourdes. J'en ai l'habitude. J'aurais voulu vous remercier. Vous l'avez fait. Bonsoir, madame. Demain, à la première heure, j'aurai quitté le grenier. C'est donc à moi de vous remercier. Une bougie vous rendrait-elle service ? Pas céder ses atouts une minute. Et cependant, elle a à peine 20 ans. Disons 21 ou 22 au grand maximum. Moi qui trouve toujours que les femmes sont vieilles, je reconnais que celle-là est jeune. Quelle différence entre sa main et la lourde crosse de ses pistolets. Il est vrai qu'elle court bien d'autres dangers. Et qu'on ne peut tirer un coup de pistolet sur les petites mouches qui transportent le choléra. Angelo attendit le lever du jour. Toujours la même aurore blanche. Au-delà des longues toitures du couvent s'élevait une tour carrée surmontée d'une pique, qui devait être une sorte de paratonnerre, ou une ancienne hampe de drapeau. Angelo n'avait pas encore poussé jusque-là. Il le fit au premier rayon du soleil. Un petit clocher. En arrivant au coin de la galerie qui faisait le tour du cloître, Angelo aperçut un corps étendu sur les dalles. Il avait tellement l'habitude des cadavres qu'il s'approchait nonchalamment quand le corps se redressa, s'assit, puis se mit debout. C'était une vieille nonne, ronde comme une barrique. Qu'est-ce que tu veux ? Rien. Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Rien. Tu as peur ? Ça dépend de quoi ? Ah, tu es de ceux qui font dépendre leur peur de quelque chose. Et l'enfer. Est-ce que tu as peur de l'enfer ? Oui, ma mère. Eh bien, est-ce que ça ne suffit pas ? Veux-tu m'aider, mon petit ? Oui, ma mère. Oh, béni soit la gloire du Seigneur, il ne pouvait pas m'abandonner. Tu es l'envoyé ? Non. Qu'est-ce que tu en sais ? Je ne suis rien, ma mère. Ne cherchez pas. Rien ? Quel orgueil ! Mais je te materai. Tiens, prends cette blouse blanche et mets-la. Allons, dépêche-toi. Et prends cette sonnette. Passe. Thank you. Et maintenant, remue la sonnette et marche. Mon petit. Je suis dans la rue. J'ai quitté les toitures. Qu'est-ce que tu dis ? Rien, ma mère. Je parie que tu n'as pas mangé à ta faim. Je suis perdu dans cette ville. Tout le monde est perdu dans cette ville. Tout le monde est perdu partout. Alors, remue la sonnette. Juste coude. Sonne, sonne. Madame. Derrière moi, maintenant. Arrête la sonnette. T'as un mouchoir? Oui. Et fourre-le dans la sonnette qu'elle ne bouge plus. Hein. Sans quoi, je te fais sauter les dents. Mon petit... Patience, tout le monde y arrive, ça va venir. On y est, on y est. Ne te force pas, ça vient tout seul. Doucement, doucement, chaque chose en son temps. Il est pressé, voyez-vous, s'il est pressé. Ne t'inquiète pas, chacun son tour, ça va venir. Voilà, voilà, ça y est. C'est à toi. Passe. Passe, passe. Il aurait fallu le frictionner. Qu'est-ce qu'il veut frictionner, celui-là? Si tu as un esprit fort, hein? Tu veux oublier l'évangile? Demande du savon à cette dame, et une cuvette, et des serviettes. Demande, parle-lui, fais-la bouger. Qu'elle cesse de se tenir dans sa fenêtre là-bas, qu'elle fasse du feu, que l'eau chauffe. Allons, qu'on se mette en train, s'il vous plaît. Madame, il faudrait une cuvette, du savon et des serviettes. Allons. Tenez. Pose ça près du lit, j'arrive. Où est le briquet? Sur la cheminée. Allume. Très bien. Maintenant, où sont les draps propres? Cette nonne étonnait par une extraordinaire présence. Où elle était, tout s'ordonnait. Elle entrait et les murs ne contenaient plus de drames. Les cadavres étaient naturels et jusqu'à la chose la plus minuscule, tout se mettait aussitôt en place. Elle n'avait pas besoin de parler, il lui suffisait d'être là. Que vous faites? Du café. Et le mort? Dès que l'eau sera chaude, je ferai sa toilette. Tu as le drap? D'autres fois, elle entrait dans une de ces maisons bourgeoises où la cuisine est cachée, où tous les meubles sont sous des housses. C'était toujours des endroits où les cadavres avaient un extraordinaire mordant. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Aide-moi à remettre les fauteuils en place. Ce n'est qu'une fois les meubles rangés et le lit bien fait qu'on s'occupait des cadavres. Et alors en plein. Tiens-le. Ah, celui-ci est déjà raide. Pourquoi le soigner? Je ne soigne pas. J'approprie. Ce sont mes clients, j'en suis responsable. Le jour de la résurrection, ils seront propres. Et le Seigneur vous dira « Parfait, sergent ». Et si Dieu dit « Parfait », qu'est-ce que t'as à dire, toi? Pauvre idiot. Mais on peut en sauver. Du moins, je le crois. Et qu'est-ce que je fais? Bien sûr qu'on les sauve. Je voulais dire « Leur rendre la vie ». Il y a longtemps qu'ils sont morts, tout ça n'est plus qu'une formalité. Ma mère, moi aussi, je suis rempli de péchés. Alors cache-toi. Cache-toi. Voilà le fameux poste de police où on m'avait poussé le premier jour de mon arrivée. Désert. Plus personne derrière le bureau. Et voilà le réverbère où j'ai failli être pendu. Un marchand de tabac. Attendez-moi. Donnez-moi pour un écu de ces petits cigares-là. Prenez. Gardez votre argent. C'est à cause de ma blouse? Alors permettez que je me serve. Qu'est-ce que tu as pris? Une provision de cigares. Ah. Tiens, vous souriez. Pourquoi je ne sourirais pas? Hmm? Il rentrait, elle et lui, à la tombée de la nuit. Il faisait encore une ronde dans toute la ville vers les 2 ou 3 heures du matin, les mauvaises heures. Avant d'y repartir, ils avaient un bon moment de repos. Ils mangeaient du fromage de chèvre, de la confiture de groseille, du miel. Ils buvaient du vin blanc. Ils s'asseyaient sur les bancs de pierre du cloître qui leur paraissaient délectables. Tu sais, je suis pas bien savante. Je t'ai mariée très jeune. Et j'étais veuve très jeune aussi. Alors je suis entré dans ce couvent, chez les Présentines, pour les gros travaux. Je grattais les carottes, j'épluchais les pommes de terre. Je lisais aussi, mais en suivant les lignes avec mon doigt, comme ça. Je n'étais pas une des fortes de la confrérie. Je peux même te dire que je n'en faisais partie que par exception. Et grâce à la protection d'une bienfaitrice. Quand le couvent a déménagé pour fuir la contagion, on m'a laissé là pour garder les provisions qu'on ne pouvait pas emporter. Donne-moi un cigare. Même pas un haut-le-cœur. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia, gloire à toi, mon Dieu, louange, omnis céleste, sainte Trinité, Dieu créateur de tout l'univers, aide-moi, Dieu éternel, elle dort. Ma mère, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. Ils attendent. Partons. Elle partait toujours sur une inspiration subite. Il fallait obéir promptement. Elle n'attendait pas. Angelo était littéralement séduit. Il ne pensait qu'à elle. Est-ce que par hasard vous connaîtriez un nommé Giuseppe? Giuseppe? Vous auriez pu, dans vos tournées. Mon ordre ne faisait pas de tournée, c'était un couvent de filles riches. Et moi je m'occupais de la cuisine. Qui est ce Giuseppe? Un réfugié italien, un piémontais. Qu'est-ce qu'il est dans la ville? Oh, rien. Cordonnier sans doute. La dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a plus d'un an, et de nuit. Mais je sais qu'il habite une chambre dans une grande maison, une sorte de caserne, où logent des tanneurs et leurs familles. Tu dis cordonnier? La confrérie faisait ressembler ses souliers chez un nommé Jean, qui était italien lui aussi. Non, ce n'est pas celui-là. Qu'est-ce qu'il cherche, son Giuseppe? C'est très long à dire. Il entretient des rapports avec ma mère, entre autres. Des rapports? Elle est du Piémont, elle aussi. Mais elle n'a rien à voir avec un cordonnier. Ma mère est jeune et très belle. C'est une duchesse. Ah bon? Elle correspond avec ce Giuseppe parce que moi, je suis toujours par mon et par vous. Elle correspond et lui envoie de l'argent pour moi. Il est en quelque sorte mon trésorier. Ah oui. Non, je ne sais pas qui est Giuseppe. Je n'ai plus guère besoin de ce que pouvait me donner Giuseppe. Tout va bien. Je ne réfléchis pas à grand-chose. J'aide à laver les morts. Tiens, en voilà un. Aide-moi. J'éprouve un contentement de moi-même que j'ai toujours cherché sans jamais l'atteindre. Je suis du bon côté du choléra. Quel orgueil. Ah, race de pape. T'as trouvé ça? Donne-moi un cigare. Il lavait les cadavres abandonnés. Il n'arrivait pas à laver tous ceux qu'il trouvait dans la nuit. Il y en avait dans tous les coins. Il ne lavait que les plus sales. Il les portait les uns après les autres à côté d'une fontaine, il les déshabillait, il les frottait à grande eau, il les alignait, pour qu'au jour on puisse les ramasser. Quand ils se dresseront avec leurs cuisses merdeuses, quelle figure ferai-je devant le Seigneur? Il me dira, tu étais là et tu savais. Pourquoi ne les as-tu pas nettoyés? Je suis une femme de ménage, je fais mon métier. Elle fut très embarrassée une nuit où, après avoir jeté des seaux d'eau sur un cadavre, celui-ci ouvrit les yeux, puis se dressa sur son séant et demanda pourquoi on le traitait ainsi. Où est votre maison? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est cet endroit où je suis? Et vous? Qui êtes-vous? Nous sommes là pour vous aider. Vous êtes sur la place des Observantins. Est-ce que vous habitez de ce côté-là? Et non. Je me demande pourquoi je suis là. Et qui m'a porté ici? J'habite dans la rue d'Aubette. Il faut le ramener chez lui. Il nous a trompés. Ce n'est pas de sa faute. Parlez à voix basse. On l'a cru mort, on s'est débarrassé de lui. Mais il est vivant. Et même... je le crois sauvé. C'est un salaud. Il est vivant et je lui ai lavé le cul. Mais non, il est vivant. Oh. C'est magnifique. Prenez-le par un bras. On va par l'autre. Ramenons-le chez lui. Tout nu? Couvrez-le avec ce drap. Alors, toi, tu m'as bien trompé, hein? Oh. Cela. Attendez. Je vais monter prévenir. Vous ne pouvez pas arriver brusquement comme ça. Qui est là-haut? Votre femme? Non, ma femme est morte. C'est ma fille. Votre père? Non. Vous l'aviez porté dans la rue? Non, non. Oh, que d'histoire pour rien! C'est simple comme bonjour, vous allez voir! Allez, allez, asseyez-vous. Là, là, voilà. Là. Où est le moulin à café? En sortant de la maison, ils retournèrent à leur besogne. Il restait trois autres cadavres près de la fontaine. Cela, parfait. Ils les lavèrent et les apprêtèrent bien gentiment. Un matin, Angelo et la nonne étaient comme d'habitude dans une galerie du cloître, allongés sur les dalles, assommés de fatigue, quand un petit pas sec, bien frappé du talon, fit sonner les voûtes. C'était une autre nonne, celle-là maigre et jeune. Sa cornette était d'un amidon éblouissant et sa grosse croix pectorale d'or. Tout de suite, la vieille nonne fila doux. Elle joignit les mains et, tête baissée, écouta un long sermonnement à voix basse. Puis elle suivit la nonne maigre qui avait viré prestement sur ses petits talons et se dirigeait vers la porte. Angelo était seul. Tout de suite après, il s'endormit. Quand la brûlure du soleil blanc posée sur son visage le réveilla, il était tard. Il n'avait pas sa sonnette et il ne savait plus que faire. Enfin, à la longue, il fut étonné par le silence des rues. Toutes les boutiques étaient fermées, toutes les maisons barricadées, certaines avec des croix de planches. Et il parcourut une bonne partie de la ville sans rencontrer un chat. Cependant, dans une petite rue près du centre, Angelo trouva un magasin de drapiers ouvert. À travers la vitrine, il vit même un monsieur bien habillé qui mesurait du drap. Il entra. La boutique sentait le bon velours et d'autres odeurs réconfortantes. Qu'est-ce que vous désirez ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Vous tombez de la lune. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le septième épisode. Avec Bruno de Volder, Angelo, Maya Simon, Pauline, André Tinsy, la nonne, ainsi que Ginette Franck, René Berriard, Jean Péméja, Gaëtan Jor, Jacqueline Fontaine et Alain Nobis, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusforg, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.